Chapitre 10e, Monsieur Mélinet. Il y avait à l'époque où se passent les événements que nous racontons, un chanteur qui attirait la foule dans des cafés-concerts des Champs-Élysées. C'était cet Hector, le mari de l'intéressante jeune femme, que Fernande avait arraché à la misère en se l'attachant comme dame de compagnie. Hector avait, on le sait, une voix charmante, mais ce n'était pas son talent de chanteur qu'il était redevable de la plus grande partie de ses succès. Il possédait une de ces beautés hors ligne qui font une vive impression sur le public féminin. Si la chance le poussait sur les planches aristocratiques du grand opéra ou de l'opéra comique, nul doute qu'il n'eût fait des passions parmi certaines dames de la haute volée, comme autrefois Elvio et tout récemment un de nos jeunes ténors célèbres. À défaut de baronnet de marquise, Hector faisait d'immenses ravages dans le monde des femmes galantes. C'était un dédommagement. Ses bonnes fortunes dans la région qui commence à la rue Bréda, s'étend au-delà de la chaussée d'Antin, avaient fait grand tapage. Une demoiselle du Tour du Lac avait abandonné, pour ce bel âtre, un prince russe 30 fois millionnaire. Le chanteur, après s'être laissé berger et habillé aux frais de cet impur, l'avait un beau jour quitté pour une baladine protégée par un nabab de la finance. Tel nous avons laissé le bel Hector lors de sa rupture définitive avec sa pauvre femme, Angèle Maréchal, tel nous le retrouvons aujourd'hui dans un autre café-concert avec quelques années et quelques vices de plus. Toutefois, ce beau vert luisant des bosques et des Champs-Élysées, cet heureux favori des femmes sans mari, cachait la plupart du temps, sous des dehors de luxe et d'élégance, un profond dénuement. S'il lui arrivait, pendant une saison, de faire de fins soupers dans les cabinets des restaurants à la mode, il n'avait pas toujours, les mois suivants, de quoi payer ses déjeuners et ses dîners dans un bouillon d'aval. Il était en outre plus criblé de dettes qu'une écumoire de trous. Son tailleur avait renoncé à l'habiller, et son bottier ne lui livrait plus de chaussures que contre espèces sonnantes. Bref, son existence eût été intolérable s'il n'avait pas rencontré un mécène qui, de temps à autre, lui ouvrait sa bourse dans les moments de crise. Cet homme bienfaisant se nommait M. Mélinet. Deux fois la semaine, depuis 3 mois, à l'ouverture du concert, il venait, avec une dame, dont le visage était caché sous un voile couleur marron, s'installer dans deux fauteuils du premier rang. M. Mélinet avait fini par être connu dans l'établissement, et il trouvait, les jours où il avait l'habitude de venir, ses deux fauteuils réservés. Il va sans dire qu'il reconnaissait ses égards en glissant une pièce de 50 centimes dans la main qui apportait un tabouret pour sa compagne voilée. Cette compagne était-elle sa femme? On devait le supposer, mais il n'en était rien. M. Méline avait fait vœu de célibat, et bien qu'ayant toutes les apparences d'un homme marié, il était célibataire. Quel âge pouvait-il avoir? Son extrait de naissance seul le savait. Peut-être avait-il été joli garçon autrefois, mais présentement il ressemblait plutôt à un ancien écumeur de mer qui a pris ses invalides qu'à l'Apollon du Belvédère. Lorsqu'il payait ses deux places, on le saluait du titre de capitaine et il ne s'en formalisait pas. Hector et lui avaient fait connaissance de la manière la plus naturelle. Lorsque le chanteur avait dit son morceau, il venait s'asseoir dans un des fauteuils vides du premier rang et à diverses reprises, il s'était trouvé placé à côté du capitaine. « Vous avez un beau talent, jeune homme, » lui avait dit un soir M. Mélinet, « et vous irez loin. » L'amour propre est, tout le monde le sait, le côté faible des artistes. Hector remercia son admirateur avec le plus gracieux des sourires. La glace était rompue. Mélinet se hasarda à offrir au chanteur un gros américain qui fut accepté. À partir de ce moment, les deux nouvelles connaissances se retrouvèrent 2 fois la semaine et causèrent pendant les entractes. « Vous devez gagner des sommes fabuleuses, » lui demanda un soir M. Mélinet, « car c'est vous qui faites la fortune de l'établissement. »« Pouh, ce que je gagne suffit à peine à mes frais de toilette, » répondit le jeune ténor. C'est une triste profession que celle de chanteur. Et à moins d'être engagé à l'opéra ou à l'opéra comique, on végète toute sa vie dans des bouis-bouis comme celui-ci. Pour sortir de l'ornière où je croupis, il faudrait prendre des leçons qui coûtent fort cher et n'être pas préoccupé par cette terrible question de chaque jour « Où dînera-t-on » « Serez-vous gêné à ce point-là ? » reprit le capitaine d'un ton compatissant. « J'ai dîné tantôt avec un ressort et 2 verres d'eau. » répondit le bel Hector qui se trouvait dans un de ces moments difficiles où l'on éprouve une sorte de soulagement à épancher ses peines. « Venez déjeuner demain avec moi, » dit Mélinet, « j'ai quelques économies et je me ferai un véritable plaisir d'obliger un homme de talent comme vous. Vraiment, vous seriez assez aimable, Voici ma carte. On se mettra à table à 11 heures, interrompit le capitaine. Le lendemain, Hector fait exact au rendez-vous. La maison qu'occupait M. Mélinet était située moitié rue des Saules, moitié rue de l'Abreuvoir, derrière la vieille église Saint-Pierre de Montmartre. Elle se composait d'un rez-de-chaussée et d'un premier étage. Elle avait deux issues, l'une à l'angle de la rue des Saules, l'autre au bout d'une petite ruelle dans la rue de l'Abreuvoir. Au premier étage et au rez-de-chaussée, 4 fenêtres avec bolet regardaient les deux rues et le même nombre de fenêtres faisait face à un jardinet. Si l'extérieur de cette maison était totalement dépourvu d'élégance, l'intérieur dénotait, sinon le luxe, du moins un confortable des plus respectables. Le mobilier était à noyer plein et une jardinière où s'épanouissaient des fleurs de la saison était placée entre 2 fenêtres qui avaient vue sur le jardinet. Le bruit d'un timbre se fit entendre. « Vous arrivez à propos, mon jeune ami, » dit M. Mélinet, qui était allé recevoir son invité. « Mettons-nous à table. » Et il le conduisit dans la salle à manger, où un succulent déjeuner les attendait. Hector remarqua qu'il n'y avait que 2 couverts. « M. Mélinet serait-elle souffrante ? » demanda-t-il à son amphitryon. « Madame se porte à merveille, » répondit celui-ci. « Mais pourquoi cette question, mon cher artiste ? C'est parce que je ne vois pas son couvert. » Le prétendu capitaine se prit à sourire. « Vous ne vous étonnerez plus quand vous nous connaîtrez mieux, » répliqua-t-il. « Ma femme, » et il appuya sur ces 2 mots avec un aplomb superbe, « ma femme est étrangère. » Elle a conservé les habitudes de son pays où les femmes ne se mettent à table que lorsque leurs maris ont achevé leur repas. « Oh bah !» fit Hector avec étonnement. « C'est comme je vous le dis, » continua Mélinet. « Mais si ma femme ne prend point part à notre déjeuner, c'est elle qui l'a préparé, et je vous la donne pour un cordon bleu de premier ordre. » Tout en parlant ainsi, il découpait une perdrix rouge truffée qui embaumait, puis il ajouta « Vous me direz des nouvelles de ce médoc que m'a envoyé un amateur de Bordeaux avec lequel j'ai fait des affaires dans le temps. » À la perdrix succéda un foie d'oie à la Périgord. Le repas fut exquis et le chanteur ne tarissait pas en éloges sur les divers plats qui le composaient. « Madame Mélinet a un talent culinaire des plus remarquables, » dit-il, « et je serais vraiment heureux de l'en complimenter. » « Ce sera pour une autre fois, mon jeune ami, » répondit l'amphitryon. « Aujourd'hui, nous avons à parler à faire. » « En effet, » fit Hector, qui n'avait pas oublié les offres généreuses de son admirateur. « Vous êtes donc complètement à sec pour le moment ?» lui demanda avec bonhomie M. Mélinet. « Comme une citerne tarie depuis 10 lustres, capitaine. Et de plus, vous avez des dettes. Des dettes et plus de crédit chez mes ingrats fournisseurs. Combien vous faudra-t-il pour vous remettre à flot ?» « Avec 1000 francs, je ferai face au plus pressé, » répondit Hector non sans hésitation. « Diable, un billet de 1000, c'est une somme. Mais je me suis mis en avant, et je ne reculerai pas. Vous aurez vos 1000 francs. » Hector était ravi, et il exprima sa reconnaissance en termes émus et bien sentis. « Nous passerons tout à l'heure dans mon cabinet, » dit M. Mélinet, en se levant après avoir frappé sur son timbre. Une porte s'entr'ouvrit, et Mme Mélinet, sans se montrer, passa au capitaine, sur un plateau en argent ciselé, le café, les liqueurs et une botte de conchas revêtue de l'étiquette du grand hôtel. Hector avança curieusement la tête pour voir si la femme de Mélinet, qu'il n'avait jamais aperçu que le visage couvert d'un sempiternel voile marron, était jeune ou vieille, laide ou jolie, mais il en fut pour sa curiosité. Madame Mélinet avait disparu. « C'est pire ici que dans un sérail, » pensa-t-il, « et si tous les maris se comportaient de la sorte, ce serait supprimer le célibat. » Le café pris et 2 cigares fumés, le capitaine se leva et dit à son invité de le suivre dans son cabinet. Ce cabinet ressemblait en tout point à celui d'un agent d'affaires. De nombreux cartons avec indications alphabétiques garnissaient 3 côtés de cette pièce, plus longue que large, éclairée par une seule fenêtre donnant sur la petite ruelle de la rue de l'Abreuvoir. Le bureau de M. Mélinet était placé au fond, dans la partie la plus obscure. Il était un cylindre, et formait comme un rempart devant celui qui s'y trouvait assis. Ces dispositions avaient un avantage précieux pour le capitaine. Il restait, lui, dans l'ombre, tandis que ses visiteurs étaient placés en pleine lumière. Hector remarqua tous ces détails, sans y attacher grande importance. Il allait palper les 1000 francs promis, et c'était pour lui le point capital. Derrière le fauteuil de Mélinet, on apercevait une caisse qui, par son volume, faisait supposer qu'elle devait être amplement garnie. Le nouvel ami du chanteur ouvrit un buvard et prit une de ces feuilles timbrées qui servent à faire des lettres de change. « Vous n'avez peut-être pas l'habitude de ces sortes de choses, » dit Mélinet. et je vais créer moi-même votre engagement. Vous n'aurez qu'à mettre au bas « bonbon 1 000 francs » en toutes lettres et à signer. » Le jeune ténor, en voyant tous ces préparatifs, sentit se calmer peu à peu son enthousiasme pour son mécène, qui en ce moment lui faisait l'effet de ressembler fort à un usurier. Toutefois, comme la nécessité le talonnait, il signa sans se permettre la moindre objection la lettre de change qui était payable à 90 jours. « Maintenant que nous sommes en règle, poursuivit l'obligeant prêteur, je vais vous compter votre argent. » Il aligna 9 200 francs et referma sa caisse. « Il me semble que vous faites erreur, dit Hector. Il n'y a que 900 francs. Sans doute, répartit M. Mélinet. Les 100 francs qui manquent représentent les intérêts et les droits de commission. Si vous trouvez que c'est trop cher, ne vous gênez pas, il n'y aura rien de fait. » Hector, pour toute réponse, empocha la somme. Quelques instants plus tard, il prenait congé de Mélinet. C'est un ignoble usurier, un papa gobseck que le capitaine, se disait-il en descendant la butte Montmartre. Mais après tout, ces individus-là sont indispensables dans une société bien organisée. D'ailleurs, qu'est-ce à tout prendre que l'argent? Une marchandise que l'on paye à proportion de ses besoins et des risques que court le prêteur. Et il est présumable que le mien ne rentrera jamais dans son prêt. Les relations du jeune ténor et de M. Mélinet, loin de se refroidir, devinrent de jour en jour plus intimes. En moins de 3 mois, la dette d'Hector s'était gonflée. Elle atteignait le chiffre rond de 3 000 francs. Jamais le chanteur n'avait été aussi heureux. Son crédit mort était ressuscité et ses fournisseurs accouraient en masse lui faire des offres de service. Mais tout a une fin dans ce bas monde. L'échange de la première lettre de change arriva et le jeune ténor, bien entendu, n'était pas en mesure de la payer. La veille du jour néfaste, Mélinet lui avait rappelé au café-concert des Champs-Élysées qu'il comptait le lendemain sur sa visite. « Vous savez, lui avait-il dit de sa voix la plus douce, vous prendrez l'escalier qui donne sur la ruelle et conduit directement à mon cabinet. Je vous attendrai de 9 à 10 heures du matin. À demain, capitaine, avait répondu Hector avec un aplomb magnifique. Mais le capitaine n'avait pas été la dupe de cette vantardise. Il murmura entre ses dents, pendant qu'Hector se pavanait au milieu du jardin témoin de ses triomphes. « Toi, mon joli rossignol, je t'attache un fil à la patte. Et bien fin tu seras si tu parviens à le casser. » Le lendemain, à l'heure indiquée, le bel Hector se dirigea vers la demeure de M. Mélinet. Après tout, pensait-il pour se donner du courage, il ne me mangera pas, et la contrainte par corps est abolie. Quant à mon mobilier, rien à craindre, attendu que je loge en garni. Le seul côté triste de l'affaire, c'est que sa caisse me sera désormais fermée. Lorsqu'il entra dans le cabinet de son créancier, celui-ci était gravement assis dans son fauteuil de cuir et compulsait un registre de compte courant. « Il y a vraiment plaisir à avoir affaire à vous. » « Mon jeune ami, lui dit Mélinet en fermant son registre, vous êtes exact comme un chronomètre. »« Ne vous félicitez pas à l'avance, capitaine, » répondit le ténor en prenant sa voix la plus émue. « J'ai la douleur de vous annoncer qu'il m'est impossible de payer ma première lettre de change. » Hector, en faisant cet aveu dépouillé de tout artifice, s'attendait à soulever une tempête. À sa grande surprise, il n'en fut rien. Son prêteur se mit à rire avec cet air de bonhomie qui lui était habituel. « Ce que vous m'annoncez là ne m'étonne point, je l'avais prévu. » Le jeune ténor avait peine à en croire ses oreilles, et il se reprocha mentalement les jugements sévères qu'il s'était permis à l'endroit de la rapacité de son créancier. « Je ne suis nullement inquiet de votre dette, » continua le sieur Mélinet. « Tôt ou tard, vous ferez fortune, et vous me rembourserez intérêt et capital. » « Si jamais ce jour tant souhaité arrive, capitaine, » s'écria Hector, « je fais le serment solennel de vous payer rubis sur l'ongle. »« Ah, si j'étais plus riche, » repartit Mélinet, « combien je me trouverais heureux de vous ouvrir un compte nouveau. Par malheur, les capitaux dont je dispose ne m'appartiennent pas, à moi seul, mais à la compagnie dont je suis le mandataire, et il m'est impossible de me découvrir davantage. » « Hélas !» fit le ténor en poussant un soupir qui ne figurait pas dans le solfège carpentier. « Allons, ne vous désolez pas, mon brave, » poursuivit celui qu'on appelait le capitaine. « Je vous porte de l'intérêt, et peut-être y aura-t-il moyen de vous mettre à même de gagner de l'argent, beaucoup d'argent. » Les yeux d'Hector à cette proposition du capitaine brillèrent de convoitise, vraiment. « Vous avez une voix superbe, quoiqu'elle manque un peu de méthode, » poursuivit M. Mélinet. « De plus, Vous êtes beau garçon, et ces deux qualités constituent un capital sérieux. Il ne s'agit que de savoir le faire fructifier. Jusqu'à présent, ces avantages-là ne m'ont pas rapporté grand-chose, capitaine. Parce que vous n'avez pas su vous en servir, mon jeune ami. Écoutez-moi bien. Moi aussi j'étais jeune et beau. Comme tant d'autres, j'ai vécu dans le bleu, et j'ai cru que je n'aurais qu'à paraître pour avoir le monde à moi. Savez-vous où tout cela m'a conduit? À dévorer, ou plutôt, à laisser dévorer un joli patrimoine. À 22 ans, j'étais coulé bas et complètement ruiné. Cette histoire n'était autre que celle du bel Hector, lorsqu'il faisait son entrée dans le demi-monde parisien, avec sa robe virginale et son titre de vicomte. « Et comment avez-vous fait, capitaine, pour reconstituer votre fortune ?» demanda-t-il. « C'est bien simple, » répondit Mélinet. « On m'avait exploité. À mon tour, j'exploitais les autres. C'était mon droit. J'ai débuté par être négrier. C'est assez lucratif. Mais les profits ne couvrant pas les risques, je changeais de métier et je me fis quelque peu corsaire. « Vous m'en direz tant, capitaine, » repartit Hector, « que je commence à m'expliquer l'origine de votre caisse. Mais tout le monde ne saurait être écumeur de mer. Il faut pour cela certaines aptitudes que je ne possède pas. « Qui vous parle de vous faire corsaire ?» répondit M. Mélinet avec une certaine brusquerie. « Il y a des pirates de terre qui gagnent plus gros que ceux qui courent sur l'océan. » L'étonnement du jeune ténor allait en grandissant. Il comprenait pour la première fois qu'il ne connaissait le bonhomme Mélinet qu'à la surface. Et il attendait avec une impatience curieuse la conclusion de ce petit confiteor. « Vous êtes pauvre, » poursuivit le capitaine, « et vous ne vivez que d'expédients. Vous êtes jeune, il est vrai, mais la jeunesse est un capital qui, faute d'être habilement exploité, s'épuise vite. À votre premier cheveu blanc, à votre première ride, ce capital éphémère aura perdu 100% de sa valeur primitive. « C'est vrai, » murmura Hector. « Par Dieu, je le sais bien, et puisque vous êtes de mon ami, répondez-moi franchement. « Vous sentez-vous homme à diriger votre barque au milieu des récifs de la vie, de manière à avoir du pain blanc sur la planche lorsque viendront les rides et les cheveux blancs ?» Cette question nettement posée donna à réfléchir au ténor du café-concert des Champs-Élysées. Il pressentit que si derrière l'ancien loup de mer il y avait un usurier, derrière cet usurier se cachait un personnage suspect qui jouait à cette heure auprès de lui le rôle de démon tentateur. En même temps, il entrevit comme à travers un mirage la misère avec ses yeux caves et sa face livide, et d'autre part, la richesse avec toutes les jouissances qui lui font cortège. La lutte qui se livrait en lui était terrible. Pendant quelques instants, il garda le silence. Mélinet, qui l'observait attentivement, devina ses hésitations et ses scrupules. Il comprit qu'Hector, sur lequel il avait fondé de si grandes espérances, allait lui échapper. « Me serais-je trompé ?» lui dit-il d'un ton railleur. En supposant qu'il y avait chez vous l'étoffe d'un homme. Le jeune ténor, atteint dans son orgueil, redressa brusquement la tête. « Eh bien, » fit le capitaine en le regardant fixement, « la richesse, ou plus tard un lit à l'hôpital, vous avez le choix, mon garçon. » Ces mots énergiquement accentués furent le coup de grâce donné aux indécisions du malheureux chanteur. « La richesse, » répondit-il d'un ton résolu. « À la bonne heure, mon camarade !» repartit l'ancien corsaire. « Voilà qui s'appelle parler. Et dès aujourd'hui, vous pouvez regarder votre fortune comme faite. »« Oui, mais il est bien entendu, » répliqua Hector en se ravisant, « que je n'aurai jamais maille à partir avec les tribunaux. Sinon, votre serviteur, capitaine. »« Allons donc, mon cher, » riposta Mélinet, avec un suprême dédain. « Pour qui me prenez-vous ? Sachez-le bien, il n'y a que les niais qui ont affaire avec la justice. Les gens d'esprit comme nous se contentent de la côtoyer, à distance, respectueuse. Maintenant que vous devez être complètement rassuré, je vais m'expliquer catégoriquement. Apprenez donc que j'ai fondé une association fraternelle sous la raison nominale de l'Arche de Noé. « L'Arche de Noé, » dit Hector avec surprise. « J'ai pour collaborateurs 5 braves garçons triés sur le dessus du panier, désireux, ainsi que vous, de faire fortune. À coup sûr, ils auraient peu de chance de remporter le prix Montyon s'ils se mettaient sur les rangs. Mais ils sont purs comme l'enfant qui vient de naître, de toute chamaille avec la police correctionnelle, et ils n'ont aucun dossier judiciaire. Pour moi, c'était la chose capitale. Quelle sécurité voulez-vous qu'on ait avec des drôles qui ont leur photographie à la préfecture de police et leur numéro d'ordre dans les maisons centrales ? C'est juste, répliqua le ténor qui peu à peu absorbait le poison si habilement distillé par Mélinet. Tu n'auras pas à te plaindre de ton sort, poursuivit l'ancien écumeur de mer. Tu auras le plumage brillant de l'emploi que je te réserve, et qui consistera uniquement à me raconter fidèlement ce que tu auras vu et entendu dans le monde aristocratique dont ta qualité de vicomte t'ouvrira facilement les portes. Hector fit un soubresaut. Qui vous a dit que je sois un vicomte ? Reprit-il après s'être remis de son émotion. Est-ce que je ne sais pas tout ? Repartit Mélinet avec un fin sourire. Oui, mon garçon, tu es vicomte, un vicomte des plus authentiques, et c'est pour cela que j'ai jeté les yeux sur toi. Tu t'appelles le vicomte de Livran, dernier rejeton d'une vieille famille du Dauphiné. Ah, je connais ta généalogie sur le bout de mon doigt. Les uns, partis de bas, grimpent au sommet de l'échelle, d'autres, placés en haut, dégringolent. C'est dans la nature, l'espèce humaine est si bizarre. Tu as dégringolé, mon fils. Tu as mangé ton foin en herbe, et je veux te rendre ta splendeur première. Toutefois, il faut que tu demeures quelques jours dans la peau d'Hector tout court. Cela est nécessaire pour que tu te fasses aimer d'une jolie femme qui possède un million. Mais je suis marié, dit vivement Hector. Voudriez-vous, par hasard, faire de moi un bigame ? Halte-là, capitaine, je refuse carrément. Dieu m'en garde, mon camarade. Je veux seulement faire passer dans ton boursier Covid, et sans prélever le moindre pot de vin, le million de la femme charmante que je te destine pour maîtresse. Cette femme est donc votre ennemie. Pour s'emparer d'une immense fortune que je devais partager avec elle, elle m'a lâchement trahi. Je te raconterai cela plus tard. Et du jour où je t'ai vu, je t'ai choisi pour être son châtiment. Tu as la jeunesse, tu as la beauté et la distinction. Chaque soir, tu es applaudi, acclamé. Cette femme, qui n'a jamais aimé, t'aimera. Et tu la trahiras. Elle est riche, elle deviendra pauvre. Et par toi, elle connaîtra les désespoirs de l'abandon et les horreurs de la misère. Elle se nomme Carmela. C'est une créole qui se fait passer pour une grande dame. Elle s'intitule Madame de Sanluco. Fort bien. Mais comment voulez-vous, capitaine, que j'arrive auprès de cette dame dont j'entends prononcer le nom pour la première fois? Ce n'est pas toi qui iras à elle, mais elle qui ira à toi. Comment cela? Ceci, mon garçon, c'est mon affaire, répondit Mélinet. À ce soir. Ce soir, je t'expliquerai mon plan. Lorsque Hector de Livran fut parti, une femme qui, d'après la couleur de son visage, devait appartenir à la race rouge, sortit de la chambre qui attenait au cabinet du capitaine. Cette femme était jeune et charmante. Elle avait le sourire aux lèvres et les yeux rayonnants. C'était Madame Mélinet, ou du moins celle que l'ancien corsaire qualifiait de ce nom. « Tu as écouté ma conversation avec le chanteur ?» lui dit M. Mélinet. « Tu ne m'avais pas ordonné de fermer les oreilles, » répondit l'Indienne. « Eh bien, que penses-tu de mon projet ?»« Je suis heureuse. L'homme qui chante te vengera de la femme pâle qui t'a trahi. Serais-tu jalouse d'elle ?»« Non, mais l'esprit du mal est en elle, et je la hais comme toi. » En ce moment, on frappa trois coups régulièrement espacés à la porte qui donnait sur la ruelle. Mélinet, en entendant ce signal bien connu, fit signe à sa femme de se retirer, puis il poussa un ressort placé sur son bureau. Aussitôt la porte de son cabinet s'ouvrit et donna passage à une jolie fille qui portait le costume d'une camériste de grande maison. « Rose, tu es en retard de 5 minutes, » dit le capitaine en regardant la pendule. « C'est vrai, monsieur Mélinet, » répondit sa visiteuse, « mais ce n'est pas de ma faute, le cormoran m'a remis votre lettre trop tard. » « J'accepte tes raisons pour cette fois. Tâche seulement d'être plus exact à l'avenir. Maintenant, assieds-toi, je t'écoute. » « Il y a du nouveau à la maison de Pierre, » dit Mademoiselle Rose. « Le duc est parti pour la Bretagne. » « Combien de temps doit durer son absence ?»« 1 mois, d'après ce que j'ai cru comprendre. » « Pedro Diaz accompagne-t-il le duc ?»« Non. » « L'intendant est resté à Paris. » « Tu le surveilleras. L'hôtel de ta maîtresse et celui du duc de Clodion se touchent. Cela te sera facile. » « Comptez sur moi, monsieur Mélinet. »« Bien. À présent, ouvre tes oreilles toutes grandes, car ce que je vais te dire est d'une importance capitale. »« Je veux que madame de Sanluco aille demain soir au café-concert qui se trouve à quelques pas de l'avenue Gabriel. »« Je le connais, » repartit la femme de chambre. « Mais le difficile, c'est de décider Madame à se rendre dans un lieu où les personnes de son monde ne vont jamais. Ne dirait-on pas, à t'entendre, que ta maîtresse est une princesse ? Répondit Mélinet en levant les épaules. Je veux qu'elle aille demain soir à ce café-concert entendre le jeune ténor qui attire tout Paris. Monsieur Hector, fit Rose, qui était l'une des admiratrices du bel âtre, il est amoureux de ta maîtresse, et comme je porte un vif intérêt à ce brave garçon, il y aura pour toi une prime de 500 francs, si tu réussis. La chose sans doute n'est pas impossible, monsieur Mélinet, mais encore faudrait-il préparer ma maîtresse. La main douée par un je ne sais quoi, que vous trouverez facilement dans votre sac à malice. Le petit verre d'absinthe avant le potage, fit en riant l'ancien loup de mer. Sois tranquille, nous servirons à souhait madame de Sanlouco. Seulement, fais en sorte qu'elle se mette à sa fenêtre demain matin à 10 heures. Quant à cela, je vous le promets. Bien, ma fille, continue à me servir avec esprit, et je finirai par oublier l'affaire du boulevard Malesherbes. Toujours cette vieille histoire, peu importe son extrait de naissance, ma petite. C'est par elle que je te tiens, car j'ai les preuves de ta complicité, dans la disparition de l'écrin, avec un charmant garçon coiffeur qu'on nomme le Colibri. M. Mélinet, en achevant ces mots, remit comme un compte 5 pièces de 20 francs à Rose, qui les fit lestement disparaître dans sa poche. L'audience de Mademoiselle Rose était terminée. Maintenant, qu'était-ce M. Mélinet ? Nos lecteurs l'ont deviné sans doute. Le respectable personnage qui demeurait rue de la Brevoire, au coin de la rue des Saules, n'était autre que l'ancien complice de Carmela, lequel, après avoir quitté à 20 ans le quartier de Belleville, s'en était allé un beau jour chercher fortune dans les placers de la Californie et qui, plus tard, avait été lâchement trahi par la créole. Rentré en France avec la fille du chef des Comanches qu'il avait enlevée, Maresco était venu à Paris dans un double but, se venger de sa perfide maîtresse qu'il habitait et conquérir la richesse par tous les moyens possibles. Son premier soin pour arriver à la fortune avait été de se fabriquer une personnalité qui le mit à l'abri des regards clairvoyants de la police. Dans le quartier excentrique où il avait établi son domicile, il passait pour un rentier qui prêtait à la petite semaine et on le désignait sous le nom de bonhomme Mélinet. Rien d'ailleurs de plus correct en apparence que sa conduite. Il allait lui-même faire son marché, recevait peu de monde et rentrait ponctuellement chez lui tous les soirs entre 10h30 et 11h. C'était du fond de son cabinet, dont nous avons donné la description, qu'il dirigeait la bande redoutable qu'il avait organisée sous la dénomination bizarre des Compagnons de l'Arche de Noé. Cette association mystérieuse, qui s'était déjà distinguée par de hardis coups de main, faisait le désespoir de la police impuissante à la dépister. Cela tenait à l'organisation spéciale qui avait présidé à sa création. Un article de ses statuts portait que les sociétaires ne dépasseraient jamais le nombre 7, le chef compris, et que tous seraient tenus d'exercer une profession au grand jour. En outre, chacun d'eux, en entrant dans l'association, perdait son nom pour prendre, à l'exemple des sauvages chez lesquels Maresco avait vécu, le nom de l'agent animal avec lequel il offrait le plus d'analogies. C'est ainsi que les collaborateurs de l'ancien chercheur d'or s'appelaient entre eux le cormoran, le jaguar, le macaque, l'éléphant, le colibri, comme le vicomte Hector de Livran devait à son tour, en raison de ses avantages physiques, être surnommé le perroquet. Le cormoran exploitait un méchant fond de bric-à-brac à l'autre bout de Paris. Le jaguar était garçon boucher. L'éléphant tenait un caboulot sur les terrains non combattis de l'avenue de Wagram, non loin de la place de l'Étoile. Le colibri était garçon coiffeur, le macaque ouvrier ébéniste. Maresco Mélinet était tout à la fois le receleur et le banquier de l'association qui avait pour règle absolue de s'abstenir de toute opération lorsque les résultats présumés devaient être inférieurs au chiffre de 50 000 francs. Enfin, un article additionnel du code de ces pirates de terre ferme punissait toute trahison de la peine de mort. La filiation d'Hector de Livran à cette bande comblait d'une part le vide apporté par la mort récente d'un des associés et rétablissait le nombre arrêté par les statuts. D'un autre côté, outre la vengeance qu'elle promettait à Maresco, elle avait pour l'association l'avantage inappréciable de posséder un collègue qui, à la faveur de sa distinction native et de son titre de vicomte, pourrait aisément se faufiler dans le grand monde et fournir d'utiles renseignements sur divers coups de main à exécuter. 10 minutes s'étaient à peine écoulées depuis le départ de Mademoiselle Rose, lorsque 3 coups furent de nouveau frappés à la porte qui donnait sur la ruelle. Cette porte s'ouvrit par le même procédé que la première fois. Le visiteur qui succédait à la femme de chambre de Carmela était un homme d'environ 40 ans. Il était perché sur de longues jambes à la façon des échassiers et si maigre qu'il aurait pu figurer avec succès dans un théâtre forain en qualité d'homme squelette. « Bonjour, Cormoran, » lui dit Mélinet en lui tendant la main. « Tu viens me faire ton rapport de l'opération de la nuit dernière ?»« Nous n'avons pas opéré, maître, » répondit le Cormoran. « Et pourquoi, mon fils ?»« Nos renseignements pris, la caisse du changeur de la rue Montmartre ne renfermait que 10 000 francs en espèces, une bagatelle, et le reste en titres nominatifs avec lesquels on aurait pu battre monnaie sans se compromettre. L'éléphant et moi, nous aurions été les premiers bolés, et conformément au règlement, nous nous sommes abstenus. Et vous avez sagement fait, toi et l'éléphant. Avez-vous des instructions à me donner? Tu diras aux compagnons de l'Arche de Noé de se trouver demain soir à 9 heures à mon café-concert des Champs-Élysées. Et que diable iront-ils faire, là, maître? Demanda le Cormoran en regardant M. Mélinet d'un air stupéfait. Ils prépareront une ovation monstre à Hector. Hector, qu'est-ce que ce paroissien-là? Après-demain, grande réunion à 11 heures du soir dans le petit pavillon du bal de la Reine Blanche. On y recevra un nouveau sociétaire. Ah, et quel est-il? Celui que vous applaudirez à outrance demain soir, répondit M. Mélinet.